La saison de NASCAR est maintenant débutée. Il y a trois courses de fait actuellement aux États-Unis. Et on sait qu'il y a Raphaël Lessard qu'on entend parler beaucoup, beaucoup, Alex Labbé. Mais il y a un autre Québécois qui est dans la NASCAR, la plus grosse série NASCAR. On parle évidemment de NASCAR Cup. On parle d'Étienne Clich qui travaille pour l'écurie de Michael Jordan. Et on l'a en bout de ligne. Salut, Étienne. Salut Danny. Étienne, comment ça a commencé le début de la saison? Vous avez trois courses de faire. C'est une nouvelle écurie, beaucoup de choses à faire. C'est en temps de COVID actuellement. Comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, le début de cette nouvelle aventure? Si vous mentez, je te dirais, écoute, on était pas mal occupés depuis le mois de décembre, puis ça n'arrête pas vraiment, là. Mais on a eu quand même un bon speed week là, à Daytona sur le Super Speedway. Okay. On avait une voiture très rapide, puis on a eu des chances de finir dans le top 10. Malheureusement, on a eu une petite erreur au puits, puis on a une roue qui était lousse à l'avant-droit, puis ça nous a relégués à l'arrière, puis en plus, on a été impliqués dans le crash à la fin. Mais sinon, road course, on a eu plus de misère, là. Disons que notre pilote a besoin d'un petit peu plus d'expérience sur le circuit routier. Ça a toujours été sa faiblesse. En fin de semaine à Homestead, ça a super bien été quand même. On roulait dans le top 20, mais c'est ça, là, encore là, un petit peu d'expérience côté du pilote, l'adaptation avec le crew chief, puis le pilote, puis beaucoup d'apprentissage à venir là, En temps de avec ça. COVID, vous n'avez pas eu beaucoup, vous n'avez pas eu le temps bien de faire de la préparation, des temps d'essai et de vous rencontrer également. C'est quelque chose, votre nouvelle écurie, là. Oui, exactement. Écoute, c'est difficile avec les contacts. C'est difficile de rencontrer les gens de l'équipe. Puis, on n'a aucune pratique là, Ouais. réelle. C'est tout fait sur simulation. Donc, c'est un autre monde. Puis, Baba, il a jamais vraiment fait beaucoup de simulateurs avec Chevrolet. Fait que c'est quelque chose de nouveau pour lui. Puis, on est tout en adaptation là-dedans, là, OK. présentement. Toi, ton rôle, c'est quoi au sein de l'écurie? Moi, mon rôle, c'est dans le fond, on appelle ça le Performance and Simulation OK. Engineer. C'est tout ce qui est relié à la performance de la voiture, la simulation, les simulateurs, l'aérodynamique. Tout ce qui est relié à la performance de la voiture, c'est moi qui s'en occupe, c'est moi Donc, c'est un qui s'en rôle occupe. important quand même, là. Ouais, c'est un rôle assez important, là. Disons qu'il y a le crew chief, ensuite de ça, il y a moi, puis. Il y a comme d'autres gars, d'autres ingénieurs qui sont reliés à moi à peu près au même niveau, mais ils font d'autres choses. Moi, c'est plus là, tout ce qui est relié à la suspension, l'aérodynamique, toute la performance, là, dans le fond, tout ce qui est OK. relié à la Vous êtes performance. en année de transition aussi, hein? Cette année, je pensais, tout le NASCAR, c'est en 2022 qu'il va avoir une nouvelle voiture, hein? Ouais, en 2022, on a une nouvelle Donc, voiture là, qui s'en vient. ça vaut-tu la peine de tout investir, sachant que c'est pour une année ou vraiment, là, on focus déjà sur 2022, compte tenu que Non. toutes les écuries vont avoir une nouvelle écurie, vont avoir une nouvelle voiture, hein? Ouais, ben, on focus pas vraiment sur 2022. C'est sûr qu'il y a des tests en ce moment pour 2022, mais nous autres, on est vraiment focusé sur 2021. Puis, on sait qu'est-ce qui s'en vient en 2022, mais on n'a pas vraiment porté attention encore à ça. Il y a une personne dans l'équipe qui est dédiée à ça, puis qui va assister aux tests pendant OK. 2021, puis qui va savoir un peu plus qu'est-ce qui va se passer là-dedans, mais on reste vraiment focus sur 2021, là. OK. Dis-moi, la voiture comme telle, donc ces simulateurs et ainsi de suite, donc c'est vraiment un rôle très, très, très, très important pour toi, là. C'est vraiment, là, tu l'as dit, les responsabilités que tu as. Est-ce que tu sens vraiment une pression supplémentaire, au sein de l'équipe? Ouais, écoute, disons que je me suis habitué beaucoup là, à la pression. Ça fait 6 ans là, que je suis dans ce sport-là, à faire OK. la même job. Puis ça a été difficile dans les 2 premières années. Puis maintenant, c'est comme un peu plus une routine. Là. Mais oui, effectivement, là, écoute, c'est sûr qu'à toutes les courses, il y a tout un petit pression. Surtout quand on n'a pas de pratique, on embarque sur la Ouais. piste, on part tout de suite en course. Il faut que les ajustements soient à 98 % parfaits. Puis si on manque notre coup, ben, on va en souffrir pendant la course. Puis, l'année passée, on a eu une belle saison. Puis, je me suis démarqué beaucoup dans l'équipe. Puis, les gens se sont mis à me faire confiance beaucoup plus. Puis, cette année, ben, ils me laissent vraiment aller là, dans ce que je fais. Fait que, ça enlève un peu de pression sur les épaules, mais c'est sûr que la performance, faut que la performance soit là, mais il y a aussi d'autres volets de la performance, la stratégie, le pilote, l'expérience, un peu tout ça. Puis présentement, c'est ça qu'on travaille fort, là, essayer de surélever ça le plus possible. Ouais. L'assimilateur, est-ce que, tu sais, tout le monde en a fait. J'ai fait des entrevues avec Raphaël, le soeur Raphaël, qui dit, tu sais, il en a fait beaucoup de simulateurs, une chance, ça l'a aidé beaucoup. Mais tu l'as dit, Baba Wallace, lui, il n'est pas habitué à ça. Mais le simulateur, est-ce que c'est vraiment... C'est très, très près de la réalité, hein? Oui, le simulateur, écoute, c'est ce que tu mets dedans, si ça va sortir, c'est bon ou non, là, mais souvent, c'est relié justement au travail qu'on va faire. Si le travail qu'on fait est précis, puis le travail qu'on fait est bon, dans le fond, le simulateur va être bon. Si on met des choses pas bonnes dans le simulateur va pas te sortir des bonnes choses, mais en général, là, je te dirais que 90% des tracks qu'on va, c'est vraiment réel. Puis souvent les pilotes vont acquérir beaucoup d'expérience sur le simulateur. OK. Patrick Carpentier, j'ai texté avec Patrick parce que je savais que j'allais te préparer, puis j'allais t'avoir un entrevue. Puis Patrick a dit, probablement qu'eux autres, ce qu'ils visent, c'est d'être dans le milieu de peloton pour cette année. Est-ce que c'est ça à peu près? Est-ce que c'est une bonne analyse? Oui, bien écoute... Je dirais pour les 10-15 premières courses, c'est probablement là qu'on va vivre. Mais pour la saison, on a un objectif de finir dans le top 16 au championnat. Okay. Parce que ça donne des points supplémentaires donnent de l'argent et du budget supplémentaire aussi. Là. C'est ça qui est important. Ouais. Dans le top 20, c'est ça qui donne là, un peu des avantages dans la saison future. Sinon, ben, top 16, ben, c'est ça, c'est l'argent, la visibilité. On est une équipe là, de haut niveau aussi, puis on s'attend vraiment. Ça, c'est vraiment notre objectif. On ne s'attend pas vraiment à gagner des courses. On s'attend à faire une coupe de top 5, beaucoup de top 10, puis c'est là qu'on s'en va. Là. Chevrolet, avez-vous un bon appui de la part de Chevrolet, qui est un des gros constructeurs dans NASCAR? Nous, on est Toyota. Ah, Toyota, excusez-moi. On n'a aucun appui avec Chevrolet, mais nous, on est Toyota. OK. En affiliation avec Joe Gibbs Racing. Oui, on va en parler justement. C'était pour ça un petit peu, ça m'intrigue beaucoup. Michael, écoute, tu travailles, ton patron, c'est Michael Jordan. Tout le monde sait c'est qui Michael Jordan. Est-ce que quand la nouvelle a été annoncée que tu t'en allais pour cette écurie-là, on s'est parlé au mois de novembre, tu ne l'avais pas rencontré. Est-ce que tu l'as rencontré, Michael Jordan? Non, je ne l'ai pas rencontré malheureusement encore. OK, c'est pas encore, OK. Les gens, bien, il va à la piste. Il est allé à la piste là, les trois dernières courses. OK. Mais moi, malheureusement, avec le COVID, je suis un peu lockdown à la maison. Puis, parce qu'il y a une restriction dans le nombre d'équipiers qu'on peut amener à la piste. Puis, étant donné qu'on n'a pas de pratique, ben moi, ma job est faite à 95% à partir de la chute. Donc, Okay. Donc, je reste à la chute. Et les gars qui vont à la track, ils l'ont rencontré, là, Michael. Sinon, Denny Hamlin, qui est propriétaire aussi, puis je le côtoie, là, on s'est rencontrés plusieurs fois. Là. OK. Est-ce que Jordan, on sent vraiment sa présence dans l'équipe? Parce que quand on suit de Last Dance, on sait que c'est un gars qui voulait gagner. C'est un gars qui, écoute, c'est amateur de basketball. Jordan, il avait juste le mot « win ». Est-ce que donc, j'imagine que dans l'écurie, quand tu es propriétaire, quoi, avec les Hornets de Charlotte, ça va pas tellement bien, là, mais j'imagine que il fait sentir quand même sa présence. Oui, effectivement. Écoute, lui, son objectif, c'est de gagner. Mais présentement, avec l'équipe, l'objectif, c'est de s'améliorer tout au long de l'année puis devenir une équipe là, très, très compétitive. Mais oui, effectivement, mon crew chief, Mike Wheeler, il a reçu l'appel de Michael Jordan, puis maintenant, il se texte là, tous les jours là, pour, pour faire le suivi et tout ça. Puis, tu sais, Michael, il demande il était tout le temps. OK, il est très, très présent. Okay. Il est très présent. Il demande tout le temps, bon, qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Puis, il est aussi conscient de la situation avec le pilote que tu sais, Baba, malheureusement, il a toujours roulé dans des voitures un peu médiocres. Donc, ça va y prendre une couple de courses avant de s'adapter. Puis, à date, il a fait une bonne job. On était en fin de semaine, il a fait une bonne job. Mais là, c'est là que tu vois que ça sépare une 20e position d'une 5e position. OK. Dernière question. NASCAR avait beaucoup, beaucoup d'objectifs quand l'arrivée de Michael Jordan a été annoncée, c'est de se rapprocher du marché afro-américain. Au niveau des commanditaires, au niveau également des codes d'écoute, c'est un sport redneck. On pensait que l'arrivée de Jordan allait ouvrir ce marché-là. Est-ce que tu sens que tranquillement, c'est sûr que tranquillement, le NASCAR va ouvrir, va avoir plus de voitures de la part des Afro-Américains avec la présence de Jordan? Oui, effectivement, ils travaillent fort là-dedans, je crois. Puis maintenant, à toutes les, je ne sais pas si tu écoutes le NASCAR, le Race Hub, ils ont tout le temps un Black History Month là, qui appelle. Okay, oui, en février, c'était ça en février. Oui, c'est ça. Ils vont nommer les personnes noires là, qui font partie du sport. Puis c'est sûr qu'ils ont une grosse alliance. Là. Michael va avoir une grosse alliance avec NASCAR, puis ils travaillent fort pour égaliser tout ça. Puis c'est une bonne cause. Écoute, tout le monde est égal dans la vie. Donc, tout le monde a le droit à sa chance. Ben, Étienne, on va s'en reparler tout au long de la saison. Je voudrais t'en parler une fois ou deux pour voir comment que ça va. On sait que t'es cool à Catan encore avec Raphaël, je pense. Hein? Tu restes encore avec Raphaël Lessard. Hein? Oui, Raphaël, il reste avec moi. Ouais. Ouais, pas trop difficile, Raphaël, comme là. Va bien? Bon, ben, c'est bien ça. Ben, Étienne, un gros, gros, gros merci. Au plaisir de se reparler durant la saison. Un gros merci. Notre ami Étienne Clich qui travaille pour l'écurie de Michael Jordan et de Joe Gibbs, l'ancien instructeur des Redskins de Washington. Merci, Étienne. Merci. Allez, merci.